La chronique de chasse de Mathieu Roy, une présentation de Alltech. Vous craignez la chaleur pour votre prise durant la chasse? Alltech a tout ce qu'il vous faut avec un nouveau système de réfrigération à installation rapide pour une chambre froide. Venez en magasin rencontrer nos professionnels qui vous expliqueront cette nouvelle technologie au 428e avenue d'Olbeau-Mistassini. Alltech, 418-276-4436. Toute notre équipe souhaite une belle période de chasse à tous les chasseurs et vous invite à la plus grande prudence pendant cette période. On va parler de chasse avec notre ami Mathieu Roy. Salut Mathieu. Salut Danny. Mathieu, c'est une bonne année de chasse, hein? Ben écoute, selon les dernières nouvelles, mais tu sais, les statistiques finales, on va les avoir même des fois, peut-être juste l'année prochaine. Mais selon ce qu'on entend là, à date, à travers la province de Québec depuis le début de la saison, donc dans le coin de la fête du travail, on aurait à peu près 2000 bêtes qui auraient été enregistrées à date là, au niveau de l'orignal. C'est quoi, sais-tu? Parce que cette année, on peut tuer les deux sexes. Est-ce que c'est pas mal dans les mêmes années ou c'est des bonnes années? Ben écoute, là, c'est difficile à dire. J'ai pas les statistiques de toutes les dernières années, mais tu sais, tu parles d'une année permissive cette année avec le veau, avec la femelle. Par contre, il y a des régions où ce veau-femelle, ça ne fonctionne pas. Donc, tu sais, le ministère pensait que ça serait correct, mais finalement, ils se sont rendus compte qu'il n'y a pas assez de gibier, fait qu'ils ont cancellé certaines zones de chasse. Exemple, sur la rive sud du Saint-Laurent, là, donc ils ont pas permis la femelle puis le veau. Mais par contre, dans certains coins, ça n'a pas été touché, donc c'est veau, femelle, mâle. Effectivement, les succès sont là. Mais tu sais, comme je disais dans une autre antenne, il y a des endroits aussi, il y a beaucoup de bêtes à date, mais c'est pas partout que les dates sont en même temps. T'sais, tu vas prendre exemple toute la rive sud du fleuve Saint-Laurent. Ben, eux autres, c'est une semaine de chasse à l'orignal à l'arme à feu. Oui, t'as l'arbalète, t'as l'arc avant, mais quand on parle de la grosse semaine de chasse, c'est la semaine de chasse à l'arme à feu, et eux autres, ce n'est qu'une semaine. Mmh. T'sais, qui commence le 12 jusqu'au 18, alors que vous, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, la zone 28, ben, vous êtes chanceux, là, vous avez quasiment 3 semaines, si c'est pas un mois pour chasser l'orignal, ouais, avec tous les engins de chasse. Parce que, le territoire est plus grand, la pression de chasse est moindre, il y a moins d'orignaux aussi sur le territoire que dans d'autres secteurs. Okay. C'est pour ça que vous avez une période allongée. Mais donc c'est ça. Fait que tu sais, il y a des possibilités un peu partout, mais écoute, la récolte est bonne cette année. Les températures donnent un coup de main, donc les températures sont adéquates. On en a déjà parlé la semaine passée. On a des belles températures, des nuits fraîches, des matins frais. Donc le gibier se promène. Et tout ça fait en sorte que les chasseurs qui sont patients et qui ont bien préparé leur territoire, qui ont bien fait leur devoir, ben récoltent. Et là, les feuilles ne sont pas tombées aussi. Ça va donner un autre coup de main, cela. Quand les feuilles tombent, normalement, c'est encore bon, là. Ben écoute, là, effectivement, tu sais, je sais pas, ici à Québec, écoute, on a des belles couleurs, mais effectivement, il y a encore énormément de feuilles dans les arbres. C'est sûr que là, ça devient, quand il n'y a plus de feuilles dans les arbres, ça devient un petit peu plus problématique. Parce que ça fait énormément de bruit par terre, tu sais, ça craque. Donc le gibier, autant le gibier est craintif que le chasseur est aussi craintif de faire trop de bruit, de faire craquer. Donc tout le monde est un petit peu sur ses gardes. Mais d'un autre côté, quand la saison, quand la saison avance, puis même si les feuilles sont tombées, ben des fois les orignaux deviennent un petit peu plus, tu sais, ils sont comme habitués de marcher dans leur coin, parce que ça le fait un petit peu, ça les dérange un petit peu moins. Mais chaque saison de chasse, chaque période de chasse ont besoin d'avoir des techniques mises à jour. Donc, tu sais, tout le monde doit se résigner à changer leur approche un petit peu, tout dépendant de la période dans laquelle ils chassent, s'ils sont plus tôt ou plus tard en saison. Tu sais, présentement, au moment où on se parle, je l'ai dit la semaine dernière, le call est à toute fin pratique terminé. Okay. Là, tu sais, donc, quelqu'un qui s'amuse à caler dans le bois, vous n'aurez pas nécessairement des grandes réponses là-dessus. Là. OK. Tu veux-tu parler d'autre chose? Tu voulais-tu ajouter de quoi? Parce que moi, j'ai oublié de te demander en dehors des ondes si tu avais un sujet en particulier. Écoute, il n'y a pas vraiment de sujet en particulier sauf l'orignal, parce que je te dirais qu'à travers la province, c'est la grosse chasse, c'est la grosse saison. T'sais. Puis comme tu n'as pas juste du monde qui t'écoute au Saguenay-Lac-Saint-Jean, tu as du monde un peu partout, ben tu sais, aujourd'hui, là, à Amqui, dans le bas du fleuve, là, c'est leur plus grosse journée de l'année. L'épicerie du coin vend de la bière comme c'est pas possible. Ça va se vider parce que la chasse rouvre demain pour eux autres. Okay. Comme ça rouvre dans le coin de... T'sais. Ce matin, j'étais en entrevue avec les gens de la région de Montmagny. Puis c'est ça rouvre demain aussi. Fait qu'aujourd'hui, tout le monde est aux aguets. Les gens sont rentrés dans leur territoire souvent... Donc, ils sont arrivés dans leur territoire souvent hier pour aujourd'hui pas se promener dans leur territoire, mais laisser le temps, de, parce que t'en as qu'il faut qu'ils s'installent des campements, qu'il faut qu'ils installent des roulottes. Ils peuvent pas tout le temps faire ça longtemps d'avance. Donc, moi, je me souviens, on louait une terre dans le temps de... Il y a quelques années, je louais un territoire de chasse dans le coin d'Amqui, puis on arrivait le jeudi pour être sûr de s'installer puis pas trop faire de bruit, pour avoir une journée off dans notre territoire, là, à pas faire trop de bruit, pour que le samedi matin, quand la chasse rouvre, ben, on mette les chances de notre côté. OK, OK. Ouais. Fait que là, c'est vraiment... Aujourd'hui, les gens les gens qui sont dans le bois cette semaine, là, c'est je te dis, c'est la plus grosse semaine de chasse, toute chasse qu'on fait dans la province de Québec. Là. C'est parce que, quelque part aussi, on a une fin de semaine, c'est de longs congés aussi, ça nuit pas non plus, là. Fait que pour ça, là, pour évidemment pour cette grosse chasse-là. Là. Ben ça nuit pas, mais c'est bien évident, tu sais, il y a quelques années, la fin de semaine de 3 jours était plus de bonheur au mois d'octobre. Mm. Donc, elle n'a pas tout le temps été au milieu octobre. L'action de grâce change d'une fois à l'autre, comme les périodes de chasse. Cette année, ça tombe comme ça, mais tu sais, un chasseur, fin de semaine de 2 jours, une fin de semaine de 3 jours, ça change rien. Parce qu'un chasseur d'orignal, ça prend sa semaine de congé. Mm. Un chasseur au chevreuil, lui, il va aller chasser la fin de semaine, puis lundi, il va retourner travailler. Tu comprends? Ouais, ouais. Mais l'orignal, les gars, ils ont leur semaine de vacances de prévu, puis beau temps, mauvais temps, famille, pas famille, tu leur enlèveras pas ça. Mm. Puis tu pourras pas leur faire changer leur semaine de chasse à l'orignal. Ça, c'est une religion, c'est écrit dans leur livre, c'est écrit dans le ciel. Toutes les années, semaine de chasse à l'orignal, je suis parti. Comptez pas sur moi, je suis pas en ville. C'est une religion. Il y a de la misère à comprendre ça, là, mais ça de l'air que... Mais ça... Ah, puis tu sais, il y a des régions dans lesquelles les entreprises ferment, ou presque, parce qu'il faut qu'ils laissent la chance, leurs employés veulent tous prendre congé pour aller chasser. Mm. Fait que les entreprises n'ont pas d'autre choix que... Puis souvent, même les boss dans certaines régions sont aussi des chasseurs. Mm. Fait qu'ils ferment la shop. Comme la shop une semaine, tout le monde est parti à l'orignal. Ouais. Go! Ouais. Tu sais, fait que c'est encore là. Ce matin, tu sais, je parlais. S'il y a quelque chose que je peux rajouter pour terminer notre chronique, Danny, soyez respectueux. Les gens qui veulent aller marcher dans le bois, faites très, très attention. Et les gens qui vont récolter, vous avez le droit de vous promener avec votre orignal sur le 4 roues parce que vous sortez du bois. Okay. Mais une fois que vous êtes rendu en ville, là, votre panache. Puis votre orignal, là, ils peuvent s'en aller rapidement chez le boucher ou rapidement. Puis votre panache, il peut s'enlever sur le 4 roues ou sur dans le bois du camion. Là, malheureusement, c'est de moins en moins le cas, mais il y en a encore des gens qui paradent leur gibier. Faut juste pas donner de munitions aux antichasseurs. Là. Ouais, mais ça, quelque part, Mathieu, je me rappelle quand tu étais jeune, on a pas mal la même âge. Tout le monde, c'était un trophée, tout le monde avait son trophée de chasse. Mais là, tout le monde avait son trophée de chasse, mais aujourd'hui, écoute, les mentalités ont changé. Ouais. Tu sais, je dis tout le temps, donnons pas de munitions aux antichasseurs. On est fiers, on a abattu notre orignal, on est fiers. Mm. OK, c'est beau, on peut le montrer. Tu sais, moi, je me suis jamais caché, puis je sortais mon orignal du bois rond parce que je voulais le palanter ici à Québec, le laisser vieillir pendant 20-25 jours rond et non pas en quartier. Mais il y en a qui n'ont pas la place pour faire ça. Fait qu'ils veulent l'emmener chez le boucher le plus rapidement possible. Donc, à ce moment-là, ils l'arrangent en quartier. Mais tu sais, tu peux pas mettre une toile par-dessus ta viande dans ton auto, dans ton camion, tu sais, ou sur ton trailer. Ça va chauffer. Donc, il faut que tu le laisses à l'air. Libre. Si ça déplaît à des gens, ben là, écoute, faut qu'on sorte du bois. On sort du bois, puis on s'en va chez le boucher. Mais tout ce que je dis, c'est votre panache en tant que telle avec votre tête, elle n'est pas obligée de rester sur votre hood ou sur votre coffre ou sur votre 4 roues pendant une semaine. Effectivement. On l'a vu, on est content pour vous autres. Vous allez avoir de la maususe de bonne viande pour l'hiver puis les 2 prochains hivers. Mais c'est, vous avez eu une belle semaine. L'Orignal vous a donné un thrill de fun. C'est beau, on l'a vu, on a compris. Maintenant, tu peux l'enlever. Ouais. On s'en reparle, Mathieu, la semaine prochaine? Super! C'est la chronique de chasse avec notre ami Mathieu Roy.